إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est arrivé aujourd'hui dans le cours numéro 12 dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha avec le charh du Cheikh Zayd al-Madkhali, hafizahullah. Et on est arrivé à l'explication de la parole du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab lorsqu'il dit بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. Donc le Cheikh il explique donc que Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé des messagers. وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلًا. Avant ça, il ne nous a pas laissé sans obligation à respecter et sans interdiction. Il nous a envoyé des messagers. Celui qui obéit à ce messager, il entre au paradis. Celui qui désobéit à ce messager entre en enfer. Ensuite, le Cheikh il continue son explication et il dit وَمِنْ حَيْثُ إِنَّ مَسَائِلَ الْعِلْمِ لَا بُدَّ أَنْ تُؤَيَّدْ بِالْأَدِلَّةِ وذلك إذا قال الإنسان هذا حلال وهذا حرام وهذا حق وهذا باطل وهذه طريق الهدى وتلك طرق الضلال والردى فلا بد أن يدلل على ذلك من مصدرين عظيمين كتاب الله المبين وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الأمين. Donc le Cheikh il dit que du moment que ces questions-là font partie des questions de ilm et de la science de l'islam, il faut absolument qu'elles soient supportées par des preuves. Et c'est-à-dire que ça doit être supporté par des preuves du fait que lorsque la personne dit par exemple ceci est halal, ceci est haram, ou lorsqu'elle dit ceci est la vérité et ceci est faux, ou lorsqu'elle dit ceci est un chemin de guidance et celui-ci est un chemin d'égarement, il faut absolument que cette personne rapporte des preuves pour supporter qu'est-ce qu'elle dit. Et les preuves à ce sujet-là doivent être rapportées de deux fondements, de deux références principales, bien entendu, c'est-à-dire Kitabullah, le livre d'Allah, et la Sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le Cheikh il dit فَمِنْ جُمْلَةِ الْأَدِلَّةِ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولًا كَمَا أَرْسَلَ إِلَىٰ الْأُمَمِ السَّابِقَةِ رُسُولًا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ وَهُوَ خِطَابٌ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. والمراد بهم كل من بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم على وجه الأرض وكلهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم تجب عليهم طاعته والتقيد بشرعه المطهر ولا عذر لأحد أن يتعبد بشريعة من الشرائع السابقة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقبل دعوى أحد يدعي أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. Donc le Cheikh il dit que parmi les preuves qui montrent que Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé des messagers, comme il a envoyé des messagers aux peuples qui nous ont précédés, il y a le verset 15 dans surat al-Muzammil que le Cheikh a mentionné. Nous vous avons envoyé des messagers comme témoin sur vous. Inna arsalna ilaykum rasulan, nous avons envoyé un messager comme témoin sur vous. Shahidan alaykum. Et ce discours ou ce verset s'adresse à la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire à toute la umma. Et qu'est-ce qu'on veut dire par cette umma? On veut dire tous ceux qui étaient sur la terre lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme prophète. Tous ceux qui étaient présents sur la terre lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme prophète. Ils font tous partie de la umma de Muhammad et ils ont tous l'obligation de lui obéir et de se limiter à sa législation purifiée. Et ils n'ont aucune excuse de continuer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala par une sharia précédente parmi les législations qui ont été révélées à des prophètes précédents avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la prétention de l'un d'entre eux ne sera jamais acceptée. Hein? Et si quelqu'un, par exemple, qui vient avec une législation précédente, que ce soit les juifs ou les chrétiens ou autres, et qui dit, nous on n'a pas besoin de suivre la sharia du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que nous on a une sharia d'un prophète précédent, eh bien cette prétention-là ne sera pas acceptée de sa part. Et également, personne ne peut prétendre ce que certains, par exemple parmi les gens de l'égarement, ont prétendu, parmi les soufis, qu'ils n'ont plus besoin, ils disent, on n'a pas besoin de suivre la sharia. Nous, on est sortis de la sharia du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ils disent, on est sortis de la même manière que Khidr était sorti de la sharia de Moussa alayhi salam. Et ça, bien entendu, c'est une de leurs shubuhat, et les ulama ont classifié cet exemple-là, cette parole-là, comme faisant partie des choses qui annulent l'islam de quelqu'un. C'est-à-dire, si quelqu'un prétend qu'il a une excuse de sortir de la sharia du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, peu importe quelle que soit cette excuse, eh bien, cette personne est sortie de l'islam, puisque personne n'a d'excuse de sortir de la sharia du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après que le Coran ait été révélé. Et le cheikh il dit ensuite wal adilla ala dhalika qa'imatun minha qawluhu tabaraka wa ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas bashiran wa nadhira. وكلمة الناس شاملة لجميع الأناس من العرب والعجم. Donc une des preuves à ce sujet-là qui a été établie, c'est le verset 28 dans sourate Saba, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous t'avons envoyé comme messager, ou nous t'avons envoyé à tous les hommes comme annonciateur de bonnes nouvelles et comme avertisseur d'un châtiment. Donc il a été envoyé à tous les hommes sans exception. Et le cheikh il explique que la parole An-Nas dans ce verset, eh bien ça implique tous les hommes, hein, que ce soit parmi les Arabes ou les non-Arabes. Donc c'est certain parmi les gens par exemple qui sont par exemple les chrétiens arabes ou les d'autres personnes parmi les Arabes juifs ou chrétiens, ils disent par exemple non, l'islam est envoyé seulement aux Arabes. Hein, mais aux Arabes mushrikin, c'est-à-dire aux Arabes qui adoraient les idoles. Mais nous, les chrétiens ou les juifs, nous, on n'a pas besoin de le suivre parce qu'on était déjà sur une révélation précédente. Eh bien, ça, c'est réfuté par ce verset-là, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à tous les hommes. Et il dit également « وَهَكَذَا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ولم يستثني من أنزل الله على رسلهم وأنبيائهم شرائع سلفت وهم ورثوا ذلك لأن القرآن مهيمن على جميع الكتب ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة وشاملة لا يجزئ عن أحد أن يتعبد بشيء مما جاء به الرسل الأولون لم يكن في شرعنا الشريف لكمال هذا الدين وتمامه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يمت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Donc le Cheikh il dit également que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 158 dans sourate Al-A'raf, dit: ô vous les hommes, je suis le messager d'Allah pour vous tous. Et le Cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait d'exception pour personne d'entre les gens à qui Allah subhanahu wa ta'ala avait envoyé des législations précédentes sur leurs prophètes et sur leurs messagers, et qui avaient hérité de ces législations précédentes, parce que le Coran a le dessus sur toutes les autres révélations précédentes et sur tous les livres, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le Coran, dans sourate Al-Ma'ida, il dit à propos du Coran qu'il est muhaymin. Muhaymin, c'est-à-dire qu'il a le dessus, qu'il prend le dessus sur ce qui a été révélé précédemment. Donc le Coran, la sharia du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle a le dessus sur la Torah, ou sur l'Injil, et sur tous les autres prophètes qui ont été révélés auparavant. Il dit et que le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est général. Et il englobe, il englobe toutes les nations et tous les peuples et toutes les gens de toutes les origines, toutes les couleurs, de toutes les langues, sans exception. Que ce soit des gens de l'Europe, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, de l'Asie, ou bien du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Australie, peu importe où c'est dans le monde, et même les djinns, ce message-là, il est pour tous les deux mondes, le monde des hommes et le monde des djinns. Et personne n'a la permission, une fois que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec le Coran et la Sunna, personne n'a le droit par la suite de sortir de ce qui a été révélé ou d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par quelque chose d'autre qui a été ramené par un prophète précédent, à moins que ça fasse partie de notre législation ou de notre sharia à nous, parce que notre religion elle a été complétée, elle a été parfaite et complétée. Et le Cheikh il mentionne le verset 3 dans sourate Al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit: aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion, et j'ai parachevé sur vous mon bienfait, et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Le Cheikh il dit: wa akkada an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a confirmé ça par sa parole qui est rapportée dans Sahih Muslim, dans un hadith authentique rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim. Et il dit: je jure par celui qui tient mon arme en sa main, que nul d'entre les juifs ou les chrétiens de cette umma entende parler de moi puis meurt sans avoir cru en ce avec quoi j'ai été envoyé, excepté qu'ils seront des compagnons de l'enfer ou des gens de l'enfer. Idhan فالأدلة قائمة كما أسلفت بأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم كل من بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم على وجه الأرض من العرب والعجم، فهم مخاطبون ومكلفون ومسؤولون عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث على رأس الأربعين من عمره، وتاريخ بعثته معروف ومشهور في كتب التاريخ والسير، وهذا لا يدفعه إلا المبطلون من كفار اليهود والنصارى أصحاب التحريف والتفريط والإفراط والجفاء والغلو في رسلهم وأنبيائهم، قالوا إننا نحن أهل الشرائع الكبار فنحن على شريعتنا. Donc le Cheikh dit donc, la preuve elle a été établie comme on l'a expliqué précédemment. Elle a été établie sur le fait que la Ummah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce sont tous ceux qui ont été sur la terre lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme messager. Que ce soit parmi les Arabes ou les non-Arabes. Et ils ont tous été appelés et chargés, appelés à accepter l'islam et à accepter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont tous été pris de cette charge et de cette responsabilité de croire au message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé alors qu'il avait atteint l'âge de 40 ans. C'est à l'âge de 40 ans qu'il a été choisi comme prophète et messager. Et l'histoire de sa venue et toute sa vie, elle est bien connue lorsqu'on retourne aux livres d'histoire et les livres qui ont été écrits sur la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ces choses-là sont bien connues. Et personne ne le nie, excepté les imposteurs et les gens de la fausseté parmi les koufars, que ce soit les juifs ou les chrétiens, ou les gens, les juifs et les chrétiens qui sont les gens de la déformation, qui falsifient la révélation, et les gens de l'exagération et du laxisme. Les gens qui vont dans soit l'exagération, qui exagèrent à propos de leurs messagers, comme les chrétiens, qui font de leurs prophètes des divinités, qui adorent par exemple Isa ibn Maryam, qui font de lui un dieu ou un fils de Dieu, et l'exemple des juifs par exemple qui rabaissent leurs prophètes, qui les insultent, ou bien qui leur attribuent des péchés, comme ils ont fait par exemple à plusieurs prophètes dans leurs livres. comme quand on retrouve dans leurs livres, par exemple dans la Bible actuelle, si quelqu'un retourne dans l'Ancien Testament, il va trouver qu'on attribue par exemple à des prophètes des péchés très graves, d'inceste et de fornication, puis des trucs comme ça. Donc eux, ils ont attribué ces mensonges-là à leurs prophètes. Pourquoi ? Pour justement éliminer dans le cœur des gens le respect qui est dû aux prophètes et le fait qu'on doit suivre leur exemple. Donc ils se disent, donc si les prophètes ont agi de cette façon-là, donc dans ce cas-là, il n'y a rien qui nous empêche nous aussi d'être comme ça. Et donc bien entendu, ce sont des mensonges qu'ils ont attribués à leurs prophètes. Ensuite, ça c'est pour montrer que ces gens-là sont toujours dans des extrêmes. Soit qu'ils exagèrent d'un sens, ou bien ils tombent dans l'autre sens de l'exagération, c'est-à-dire le laxisme ou la négligence. Et le cheikh il dit, et ensuite ils disent, nous sommes des gens qui avons reçu des grands livres, des grandes révélations, et donc on n'a pas besoin d'accepter une autre législation par la suite. Comme par exemple, ils veulent dire en particulier celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas besoin de l'accepter puisqu'on a déjà des livres, des messagers qui nous sont venus. Et on a expliqué les preuves que ça c'est faux. Et il dit, وَيَسْتَقُ مِنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَ sallallahu alayhi wa sallam مَبْعُوثٌ قَالْ إِنَّمَا هُوَ إِلَى الْعَرَبِ خَاصَّةٌ ويدلي بشبه من القرآن على زعمه أنها تصلح دليلا لما قال. ومن ذلك قول الله عز وجل لتنذر أم القرى ومن حولها فيقول إن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي لأهل مكة والقرى المجاورة لها، وما عدا ذلك فهم أتباع الرسالات الكبار كالتوراة والإنجيل، وكذبوا في ذلك لأن الله سبحانه وتعالى ختم الرسالات والنبوات برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وختم الكتب المنزلة بالفرقان الذي لا كتاب بعده، والرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي بعده، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين، ولا يصح من أحد من عباد الله إلا أن يتقيد بشرعه الكريم. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم شاهد على أمته، وقد بين الله عز وجل تلك الشهادة وأنهم ستكون حقا يوم القيامة، حيث قال سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. للشيخ الذكر la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un messager qui a été envoyé, on a mentionné des preuves à ce sujet-là. Toutefois, ces gens-là, parmi les juifs et les chrétiens, parfois, ils vont dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, ils prétendent que c'était un prophète qui était envoyé seulement aux Arabes, en voulant dire les Arabes païens, les Arabes idolâtres, ceux qui adoraient des idoles, et non pas les Arabes chrétiens ou les Arabes juifs. Et il va ramener pour ça des shubuhat qu'ils tirent du Coran, des versets qu'ils interprètent faussement pour essayer d'utiliser comme étant des preuves ou des arguments. Et bien entendu, il n'y a pas de preuves ni d'arguments dans ces versets-là pour eux. C'est même en fait une preuve contre eux. Et c'est par exemple verset 7 dans Surah Shura. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit لِتُنْزِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا, pour que vous avertissiez Umm al-Qura, c'est-à-dire la Mecque, et ceux qui sont dans les villages ou dans les villes aux alentours. وَمَنْ حَوْلَهَا فَيَقُول, donc ils disent le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était uniquement pour les gens de la Mecque et pour les gens aux alentours, mais les autres, ils n'ont pas besoin de ce message-là ou de cette révélation-là, parce que ils ont reçu des grands livres comme la Torah et l'Injil. Et les cheikhs, ils disent ceux-là, ils ont menti, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait que yani notre prophète soit le dernier de tous les messagers et de tous les prophètes, et il a fait que notre livre Al-Qur'an, qu'on appelle aussi Al-Furqan, qui signifie le discernement, eh bien, c'est le dernier des livres qui a été révélé. Il n'y aura pas d'autres livres après le Coran. Et le messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas d'autres prophètes et messagers après lui. Donc, il est le dernier des prophètes et des messagers. Et personne, parmi les serviteurs d'Allah, ne peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, excepté s'il se limite à ce qui a été révélé dans la législation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Idhan, فالرسول sallallahu alayhi wa sallam شاهد على أمته وقد بين الله عز وجل تلك الشهادة. Donc notre prophète est un témoin pour cette umma, il va témoigner pour cette umma, et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné et clarifié ce témoignage, et que ce témoignage là sera un témoignage de vérité au jour de la résurrection. Et il mentionne le verset 41 dans Sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, et comment lorsque nous viendrons avec un témoin pour chaque nation, et que nous allons venir avec toi comme témoin sur ceux-là. Et il dit ensuite وَقَدْ ثَبَتَ فِي السُّنَنِ وَالْمُسْنَدِ وَمُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدِ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ يَجْمَعُ الْأُمَمَ أَوَّلَهَا وَآخِرَهَا يُدْعَى نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَسْأَلُ هَلْ بَلَّغْتَ قَوْمَكَ فَيَقُولُ نَعَمْ بَلَّغْتُهُمْ فَيَقُولُ لِقَوْمِهِ هَلْ بَلَغَكُمْ نُوحٌ فَيَقُولُونَ مَا جَاءَنَا مِن نَّذِيرٍ فيقول نوح من يشهد لك فيقول لنوح أو فيقال لنوح من يشهد لك فيقول نوح فيقول نوح محمد وأمته فتأتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم شاهدة على قوم نوح بأنهم أتاهم ودعاهم وحذر وأنذر ودعا سرا وجهرا وليلا ونهارا فتدان أمة نوح وتؤخذ بذنوبها وهذا من مقتضى حكمة الله وكلام عدله ثم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على أمته بأنه بلغهم. Donc le cheikh explique que il a été mentionné également que dans les Sunan et dans la Musnad de l'imam Ahmed, qu'au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va réunir toutes les nations et il va appeler Nuh alayhi salam, le prophète Noé, et il va lui dire: est-ce que tu as transmis le message à ton peuple? Et il va dire: oui, je leur ai transmis le message. Et on va demander au peuple de Nuh: est-ce que tu leur as transmis le message? Et ils vont dire: nous n'avons reçu aucun avertisseur. Alors on va dire à Nuh: qui va témoigner pour toi? Alors Nuh va dire: Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa umma. Alors on ramène la umma de Muhammad comme témoin sur le peuple de Nuh, sur le fait que, pour témoigner que Nuh est effectivement allé vers eux et les a invités à Allah, et qu'il les a avertis et qu'il les a appelés et invités en cachette et ouvertement le jour et la nuit. Et donc ils seront condamnés sur le témoignage de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam contre le peuple de Nuh, et on va prendre leurs péchés et on va les juger. Et tout ça, c'est selon la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et la justice parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ensuite, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va témoigner sur sa Ummah qu'il leur a transmis le message. Donc, la Ummah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un témoin pour les autres peuples aussi. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset dans le Coran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Donc, c'est ainsi que nous avons fait de vous une Ummah du juste milieu, hein, qui se tient sur la vérité, sur le milieu, pour que vous soyez des témoins sur les hommes. Et pour que le messager soit un témoin sur vous. Et donc ça, c'est un exemple de la façon dont cette Ummah sera témoin contre les hommes au jour de la résurrection. أما شهادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمة الإجابة وأهل الإيمان بالقرآن فإنهم يعتمدون فيها على ما جاء في كتاب الله عز وجل الفرقان الذي يقرؤونه ويتلونه في كل وقت وحين من جملة ذلك قول الله عز وجل إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون إلى آخر السورة لقد اعتمدوا على كلام ربهم وشهدوا بحق ويشهد النبي صلى الله عليه وسلم على أمته بأنه بلغهم وكفى بشهادته حقا وصدقا. Il dit, en ce qui concerne le témoignage de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celle qu'on appelle Ummatul Ijaba, parce qu'il y a Ummatul Da'wa et Ummatul Ijaba. Donc Ummatul Da'wa, c'est la Ummah, c'est-à-dire tous ceux qui vivaient, comme le Cheikh a dit au début, tous ceux qui vivaient à l'époque où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme prophète à l'humanité. Qu'ils aient cru ou non, font partie de la Ummah, dans le sens qu'ils sont tous obligé de répondre à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, ceux qui ont cru à son appel, qui ont cru au Coran, ceux-là on dit que c'est Umma al-Istijaba ou Ummatul Ijaba, c'est-à-dire c'est ceux qui ont répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce sont ceux qui ont eu la foi en le Coran, et ils vont se baser sur la révélation et sur le Coran, sur l'Al-Furqan qu'ils ont lu et récité à tout moment, hein, et parmi qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran, justement, il y a le verset de 1 à 3 dans Sourate Nuh, dans lequel au début Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons envoyé Noé comme prophète à son peuple pour les avertir, hein, pour dire, dis à ton peuple, avertis ton peuple avant qu'un châtiment douloureux tombe sur eux. Et il dit, ô mon peuple, je suis un avertisseur clair pour vous, d'adorer votre Seigneur et de le craindre et de l'obéir. Adorez votre Seigneur, craignez-le et obéissez-lui. Jusqu'à la fin de la sourate. La sourate Nuh, c'est une sourate qui parle de l'histoire de Nuh du début jusqu'à la fin. Donc, en se basant sur cette sourate et sur d'autres versets dans le Coran qui parlent de Nuh et de sa Ummah, eh bien, les mu'minoun, au jour de la résurrection, vont témoigner en faveur de Nuh, alayhi salam. Hein? Ils se sont basés sur la parole de leur Seigneur et ils ont témoigné un témoignage de vérité. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va également témoigner sur sa Ummah qu'il leur a transmis le message. Et son témoignage est évidemment suffisant comme témoignage de vérité et de sincérité. Il dit, وأخبر الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن إرسال الرسل وإنزال الكتب على الأمم سنة قائمة جارية في العباد لئلا يكون لهم حجة على الله عز وجل حيث قال كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وهو موسى عليه السلام وقد دعا فرعون وقومه ودعاهم وذكرهم بالله ودلل لهم بأن الله عز وجل هو خالقهم ورازقهم، فهو المستحق أن يعبد، وأنه هو العلي الأعلى. فاستكبر فرعون وموه على قومه قائلا ما قصه الله عنه: يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيري. وهكذا في قول الله عز وجل: فقال أنا ربكم الأعلى. Donc il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe, hein, il informe la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que le fait d'envoyer les messagers, de faire descendre ou de révéler les livres sur les différentes nations, les différents peuples, c'est une règle d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été établie sur les serviteurs pour que personne n'ait d'excuses ou d'arguments contre Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 15 dans surat Muzammil: Kama arsalna ila fir'auna rasoula, inna arsalna ilaykum رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. Donc nous avons envoyé un messager sur vous comme témoin contre vous, de la même manière que nous avons envoyé un messager à Pharaon. Et ce messager là c'est Moussa عليه السلام. Et يعني, il a invité Pharaon et il a invité son peuple également. Il les a appelés, il les a rappelés d'Allah subhanahu wa ta'ala et il leur a donné les preuves que Allah subhanahu wa ta'ala est leur créateur et celui qui leur donne la subsistance, et que c'est lui seul qui mérite d'être adoré, et que c'est lui qui est le très haut, qui est au-dessus de tout. Mais il s'est enflé d'orgueil et Pharaon a commencé à essayer de d'embellir ses paroles et ses arguments pour tromper son peuple et pour mélanger le vrai et le faux. Et à la fin de l'histoire, comme dans le verset 38 dans surat al-Qasas, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il a dit, à ses notables: ô vous les notables, je ne connais pour vous aucune divinité en dehors de moi. Hein? Donc il se proclame, il se déclare lui-même une divinité. Hein? Et il dit également, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à son sujet dans surat al-Nazi'at, le verset 24, فقال أنا ربكم الأعلى. Il a dit: je suis votre Seigneur le très haut. فبين الله عز وجل أنه أرسل إليه رسولا فعصى فرعون الرسول فترتبت على المعصية العقوبة العاجلة والعقوبة الآجلة وهكذا سنة الله مع كل الأمم أن المعصية تترتب عليها عقوبات دنيوية وبرزخية وأخروية عقوبات دنيوية وبرزخية وأخروية بحسب الجرائم وبحسب المعصية والمخالفات ولا يظلم ربك أحدا. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié qu'il a envoyé des messagers, qu'il a envoyé à Pharaon un messager et que Pharaon a désobéi à ce messager. Et il y a eu comme conséquence à cette désobéissance des châtiments dans cette vie et des châtiments qui sont dans l'au-delà. Et ça c'est la règle d'Allah subhanahu wa ta'ala avec toutes les nations et tous les peuples, c'est que le fait qu'on désobéisse à Allah subhanahu wa ta'ala ramène des conséquences. Et parmi ces conséquences, il y a les châtiments, qui seront des châtiments dans cette vie d'ici-bas, présent, dans cette vie présente, ou bien des châtiments dans le barzakh, comme on dit par exemple Adab al-Qabr, des choses comme ça. C'est al-barzakh, c'est la période intermédiaire entre notre mort et la résurrection. Donc c'est ce qu'on appelle al-barzakh. Et al-ukhrawiyya, c'est-à-dire après la résurrection, qu'est-ce qu'il y aura comme châtiment, dans l'enfer. Et tout ça, c'est bien entendu selon le péché ou le crime commis, et selon le péché et la contradiction à la religion. Et il mentionne le verset 49 dans Surat al-Kahf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, c'est-à-dire ton Seigneur ne fait d'injustice à personne. وقد تكون العقوبة عاجلة تتبعها الآجلة. وقد تكون العقوبة آجلة بحيث يمهل العاصي ويغدق عليه النعم وتتوالى لديه الصحة والغنى والأمن والاستقرار وهو مكب على المعاصي على معاصي الله وذلك لحقارة الدنيا عند الله عز وجل بيد أن العاصي له يوم له يوم يرجع فيه إلى الله لا يفك الناس فيه إلا عدلهم ولا يحبسهم إلا ظلمهم وجورهم فاللهم سلم سلم. Le cheikh il explique que il est possible que le châtiment le châtiment soit précédé il est possible que le châtiment soit que quelqu'un ait un châtiment dans cette vie d'ici-bas avant le péché, le châtiment de l'au-delà et il est possible également qu'il ait un châtiment qui soit retardé jusqu'à l'au-delà seulement. C'est-à-dire, c'est possible que quelqu'un qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, il ait un châtiment dans cette vie avant l'au-delà, puis qu'il soit puni dans l'au-delà aussi. Toutefois, c'est possible que quelqu'un qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas de châtiment dans cette vie. Peut-être que son châtiment va être seulement dans l'au-delà. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme s'il donne un délai à cette personne. Et il lui donne toutes sortes de grâces, toutes sortes de bien, de bonnes choses dans cette vie. Et il a la bonne santé, et la richesse, et la sécurité, et la stabilité. Donc il s'imagine que tout va bien. Et il est noyé dans les péchés, dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, cette vie d'ici-bas, elle n'a pas de valeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une chose méprisable pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith authentique que si cette vie d'ici-bas avait la valeur de l'aile d'une mouche, un kafir n'aurait même pas une goutte d'eau ou une gorgée d'eau à boire. Donc c'est-à-dire que cette vie d'ici-bas, elle n'a même pas la valeur de l'aile d'une mouche pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison-là que on peut constater que des hommes vivent sur cette terre et persistent dans la désobéissance, dans la mécréance d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans qu'ils reçoivent de châtiment. Et bien entendu, cette personne qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, elle a un jour dans lequel elle va retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle ne peut pas s'en échapper. Et personne ne peut s'en échapper. Donc ce jour-là, il y aura la justice. Allah subhanahu wa ta'ala va les juger en toute justice. Et il va les traiter selon l'injustice qu'ils ont fait. Et donc, que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de ce jour. Il dit وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ فِي هَذَا الْمَعْنَى وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أليم شديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يلفته. وهو تعبير يشعر بشدة العقوبة وقوة البطش كما في قوله عز وجل إن بطش ربك لشديد. Donc الشيخ il mentionne un verset dans sourate Hud, le verset 102, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que il y a quelque chose dans le même sens de ce qu'on vient d'expliquer, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans ce verset, dans le verset 102, dans le surat Hud, que lorsqu'il saisit les habitants d'une ville ou d'une cité, alors qu'elle est injuste, eh bien, il les saisit d'une manière douloureuse et dure, et sévère. Et il mentionne également un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala laisse du lus, comme si on veut, ou il laisse l'injuste persévérer dans son injustice jusqu'à ce qu'il le saisisse. Et là, il ne peut pas lui échapper. Et là, il ne le laisse pas. Et c'est une expression qui montre comment le châtiment va être dur et comment il va être sévère et comment il va frapper. Et après avoir lu, après avoir mentionné ces mots-là, il a mentionné le verset en question qu'on vient de lire dans Sourate Hud. Et il dit ensuite Inna batsha rabbika la shadid. La frappe de ton Seigneur, elle est sévère, elle est dure. Donc, ça c'est pour montrer comment la personne qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, même si elle n'a pas son châtiment dans cette vie, même si elle n'est pas punie immédiatement, ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala est indifférent de qu'est-ce qu'il fait, ou que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas en train de surveiller ce qu'il fait, mais ça veut dire plutôt qu'il lui laisse un délai. Et parfois, si cette personne persiste dans le péché avec connaissance, eh bien, c'est juste pour la laisser s'enfoncer encore plus, pour que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'attrape, il le saisisse et il le châtie encore plus. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne justement dans un verset dans le Coran à ce sujet-là, il dit « فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا وتزهق انفسهم وهم كافرون. Donc il dit ne te laisse pas éblouir par leurs biens, leurs richesses, et ne te laisse pas éblouir par leurs enfants, la quantité de leurs enfants. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut uniquement les châtier par ces choses-là et prendre leur âme alors qu'ils sont mécréants. Donc parfois ça c'est ce que les ulama appellent al-istidraj. Al-istidraj, c'est-à-dire que il laisse quelqu'un s'imaginer ou croire qu'il est dans le bien, qu'il est correct, alors qu'il continue à faire des péchés, puis en réalité, il s'enfonce et il s'enfonce dans le péché jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'attrape à la fin et il le châtie une fois pour toutes. Walida, qala Allahu azza wa jal, des fois Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est qu'est-ce qu'on appelle makrullah, ça c'est qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait parfois. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne afa'aminu makra Allah fala ya'manu makra Allah illa al-qawm al-khasirun illa al-qawm al-khasirun. Donc est-ce qu'ils se sont sentis en sécurité de la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et nul ne peut se sentir en sécurité de la ruse d'Allah excepté les peuples perdants. Donc des fois tu vois que dans ta vie tu reçois toutes sortes de grâces, toutes sortes de bonnes choses, malgré que tu sais que tu vis dans toutes sortes de choses contradictoires à l'islam et toutes sortes de péchés, et donc tu peux penser parfois que tout ça se passe parce que Allah est satisfait de toi, et au contraire, allez, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser tromper de cette façon. Il faut toujours se remettre en question et toujours regarder notre situation par rapport aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, constamment se repentir de nos péchés lorsqu'on constate que on s'éloigne de qu'est-ce que Allah nous ordonne, et essayer de réparer, de corriger notre situation pour qu'elle soit en accord avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. Ensuite, le cheikh dit walidha qala Allah azza wa jal fa'asa fir'aun ar-rasul fa'akhadhnahu akhdhan wa bila ay shadidan fi ghayat ash-shiddah. وهو تنبيه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ليبتعدوا عن فعل فرعون وقومه ويقبلوا على طاعة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله أخبرهم بأن سنته قائمة على الحق، وأنه إذا أرسل رسولا ألزم الناس بطاعته ومتابعته، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. Donc, Cheikh il dit, à la fin, en expliquant le verset 16 dans Surat al-Muzammil, il dit donc, c'est pour ça que Allah dit que quiconque que Pharaon a désobéi au messager, alors nous l'avons saisi d'une façon dure. Et c'est-à-dire, c'est ça, dure, de la façon la plus dure. Et ça, c'est un avertissement pour la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il ne se détourne pas et qu'il ne s'éloigne pas de l'obéissance d'Allah, et pour qu'il s'éloigne de qu'est-ce que Pharaon a fait et de ce que le peuple de Pharaon a commis comme désobéissance et comme égarement, et pour qu'il se tourne vers l'obéissance de leur prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est en d'autres mots, qu'est-ce que le cheikh il explique là, c'est comme pour dire à la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne soyez pas comme Pharaon et ne faites pas comme Pharaon et son peuple, hein? Et donc obéissez à votre prophète, obéissez au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, suivez son exemple, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informé que sa sunna, elle est établie sur la vérité, et que lorsqu'il envoie un messager, hein, il ordonne à tous les hommes et impose à tous les hommes de lui obéir et de le suivre. Et celui qui le suit, il entrera au paradis, et celui qui lui désobéit, il entrera en enfer. المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Donc on a expliqué le premier point maintenant au sujet du fait que Allah nous a créés, nous a donné notre subsistance, il ne nous a pas laissés sans ordre et sans obligation, il nous a envoyé un messager, celui qui lui obéit il rentre au paradis, celui qui le désobéit rentre en enfer, et la preuve de ça c'est le verset dans surat al-Muzammil qu'on a lu et qu'on a expliqué. Ça c'est le premier point parmi les trois points que, de la deuxième partie dans l'introduction. La deuxième partie c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, le deuxième point, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'agrée pas, il n'est pas satisfait qu'on fasse le shirk avec lui. C'est-à-dire qu'on associe quoi que ce soit avec lui dans son adoration. Que ce soit un ange rapproché ou un prophète envoyé. Donc, on n'a pas le droit, quand on veut prier ou quand on veut se rapprocher d'Allah, on n'a pas le droit de passer par un ange ou de passer par un messager ou un prophète rapproché d'Allah. La preuve de ça, c'est le verset que le cheikh a mentionné. Nous avons, certes, les mosquées appartiennent à Allah, alors n'invoquez personne avec Allah. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Maintenant, on va expliquer qu'est-ce que le cheikh a dit à ce sujet-là. المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وحقا إن الله الذي انفرد بخلق العباد ورزقهم وهو المتصرف فيهم والمدبر لشؤونهم ولا يرضى لا يرضى أن يكون له شريك في عبادته. Donc le cheikh explique ce point-là, il dit donc Allah il n'agrée pas, il n'accepte pas, il n'est pas satisfait qu'on associe quoi que ce soit avec lui dans son adoration, même si c'est un ange rapproché, même si c'est un prophète envoyé. Et la preuve c'est le verset 18 dans suratul Jin qu'on a mentionné, certes les masajid appartiennent à Allah, alors n'invoquez personne avec Allah. Et ça, c'est la vérité. En vérité, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui a tout créé les serviteurs. C'est lui seul qui a donné à ses serviteurs et à ses créatures la subsistance. Et c'est lui seul qui gère tout ce qui se passe dans leurs affaires et dans l'univers. Et donc, étant donné qu'il est le seul à avoir tout créé et qu'il est le seul maître, eh bien, il n'est pas satisfait qu'on lui donne un partenaire dans l'adoration. Parce qu'il n'a pas de partenaire dans la création. Il n'a pas de partenaire dans sa souveraineté. Donc, il ne doit pas non plus avoir de partenaire dans l'adoration aussi. Hein? Et ça, c'est le point que le chef veut expliquer maintenant. Il dit « وَالْعِبَادَ إِسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ وَالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ فَمَنْ صَرَفَ الْعِبَادَاتِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ شِرْكًا أَكْبَرَ وَمَنْ أَشْرَكَ مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ فَقَدْ أَشْرَكَ شِرْكًا أَكْبَرَ. Donc le cheikh il dit que c'est quoi l'adoration, hein? Parce qu'on a dit que on ne doit pas donner de partenaire à Allah dans l'adoration. Donc l'adoration c'est quoi? L'ibada en arabe c'est quoi? Le cheikh il définit cette adoration là et il dit que c'est un nom qui comprend en lui-même tout ce que Allah aime, et tout ce qui est, tout ce que Allah agrée. Donc tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et tout ce que Allah agrée. Parmi les paroles, donc toutes les paroles que Allah aime, toutes les actions que Allah aime et toutes les actions et les paroles que Allah aime qui sont apparentes ou intérieures. يعني هذا التعريف هو تعريف لشيخ الإسلام محمد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن كثير من العلماء يذكرونه بدون أن يذكروا يعني من يعني من جاء به، لأنه تعريف الآن معروف عند الناس، يعرفه كل الناس الآن الحمد لله. donc c'est une définition à la base, on la retrouve dans le livre de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, dans son livre Al-Ubudiyya. C'est un retour dans le livre de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah Al-Ubudiyya. Il donne cette définition de l'adoration. Il dit que l'adoration, c'est un nom qui comprend tout ce que Allah aime et tout ce qu'il agrée parmi les paroles et les actions apparentes ou intérieures. Et il dit quiconque offre à autre que Allah des formes quelconques d'adoration, il a commis une forme de shirk majeur avec Allah. Celui qui, par exemple, on va donner des exemples par la suite. Et il dit ومن أشرك مع الله غيره من مخلوقاته فقد أشرك شركا أكبر. Donc celui qui associe avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait le shirk avec Allah, qui associe une créature parmi les créatures d'Allah avec Allah dans son adoration, alors il a commis une forme de shirk akbar. Et on sait que le shirk akbar fait sortir de l'islam. Hein? Donc ça c'est très important. Après le shaykh il dit إذن فجميع العبادات والقربات من استغاثة من استعانة واستغاثة وذبح ونذر ورغبة ورهبة وخشوع وخشية وإنابة وتوكل ورجاء وخوف كل ذلك من العبادات التي لا يجوز أن تصرف لغير الله أو يكون مع الله فيها شريك لأن الله لا يرضى ذلك والشرك أكبر الذنب أكبر ذنب عصي الله به وهو الذنب الذي لا يغفر ولا يستحق أهله الشفاعة وإنما هم من أهل النار خالدين مخلدين كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Donc le cheikh il dit donc toutes les adorations que tu peux faire et toutes les choses que tu peux faire pour te rapprocher d'Allah comme al-isti'ana. Al-isti'ana, c'est de chercher l'aide. Al-istighatha, quand tu appelles au secours dans les moments de détresse. Al-dhabh, le fait de dégorger ou de sacrifier un animal, de faire un sacrifice. Un nadr, un vœu que tu fais. Al-rahba, yani l'amour. Al-rahba, la crainte. Al-khushu', l'humilité. Al-khashya, la peur, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-inaba, c'est comme la repentance, yani, hein? Et al-tawakkul, le fait de mettre notre confiance en Allah. Al-raja, l'espoir. Al-khawf, la peur, la crainte. Toutes ces adorations-là, il n'est pas permis d'en donner à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu en donnes à autre que à Allah, par exemple, tu le donnes à un wali, ou à une tombe, ou à un saint, ou bien tu le donnes à un prophète, ou à un ange, ou à un djinn, ou à une roche, ou un arbre, ou une pierre, ou le soleil, ou la lune. Du moment que tu offres à autre que Allah une de ces formes d'adoration, ou d'autres formes d'adoration, tu les offres à autre que Allah, tu as commis une forme de shirk akbar, qui fait que tu sors en réalité de l'islam. Hein? Et donc, le cheikh il dit, toutes ces adorations-là, tu n'as pas le droit de les offrir à autre que à Allah. Hein? Ou de donner à Allah un partenaire dans ces actions-là. Hein? Que ce soit, yani, dans une de ces formes d'adoration-là, que tu offres à autre qu'Allah, et peu importe la chose en dehors d'Allah, ou la personne en dehors d'Allah. Parce que Allah n'accepte pas, il n'est pas satisfait de ça. Il dit ensuite que le shirk akbar, c'est le péché le plus grand. Le shirk, c'est le péché le plus grand par lequel quelqu'un peut désobéir à Allah. Peu importe le péché que tu peux imaginer dans ton esprit, il n'y a pas un péché qui est plus grave que le shirk. Yani, ramène le péché que tu veux, le plus grave péché que tu peux imaginer dans ta tête, manger du porc, faire le zina, boire de l'alcool, et faire même peut-être toutes ces choses-là en même temps. Hein? L'inceste, l'adultère, boire de l'alcool, le zina, tuer, voler, mentir. Tout ça, à côté du shirk, c'est rien. Faire le shirk avec Allah, c'est-à-dire. Et puis ça, c'est quelque chose que les gens ne réalisent pas. Hein? Parce que quand les gens désobéissent à Allah par un péché qu'Allah a interdit, tout le monde sait que c'est une action qui est laide, qui est mauvaise. Et que c'est quelque chose que l'âme, elle rejette. Et lorsque quelqu'un le fait, il a honte. Parce qu'il sait que c'est quelque chose qui est laid et qui est détestable. D'Allah subhanahu wa ta'ala, des anges et des hommes hein, qui détestent ces actions-là. Et donc, quand il le fait en général avec honte et avec. Après, il a des remords. Toutefois, le shirk, la personne qui le commet en général, c'est des gens qui ont des déviations dans le cœur, une mauvaise compréhension de la foi. Donc, eux, ils vont commettre le shirk, ça veut dire quoi? Ils vont appeler une statue ou une croix, une idole, un prophète, un saint, une tombe. Ils vont leur demander la baraka, ils vont leur demander la guérison, ils vont leur demander hein, l'argent ou des biens ou des choses. Hein. Et ils pensent qu'en faisant ça, ils font une adoration. Ils pensent qu'ils font quelque chose de bien. Et tu les vois par exemple, parfois même dans les mosquées, dans certains pays musulmans, comme on a mentionné dans d'autres cours, ils mettent des tombes. Des hommes pieux dans la mosquée. Et les gens vont dans cette tombe-là, ils cherchent la baraka de cette tombe, ils vont demander des vœux à la tombe et des choses de ce genre. Comme qu'est-ce que font les chrétiens, comme qu'est-ce que font les juifs, la même chose, ils le font mais avec des saints musulmans. Vous savez, les chrétiens, ils se disent, ah, nous on a des saints chrétiens. Les juifs, ils ont des saints juifs. Et donc, eux, ils disent, nous on fait avec des saints musulmans. Hein? Mais ça, c'est du shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit de le faire. Parce qu'il a dit que c'est le plus grave de tous les péchés. Et le shirk, il mentionne que celui qui fait le shirk, eh bien, c'est le péché que Allah ne va pas pardonner à personne. Allez, na'am, al-istighatha, bil-mayyit. أن تستغيث برجل ميت إذا كنت تريد أن تستغيث برجل ميت فهذا يدخل في الشرك الأكبر المخرج من الملة فكم par exemple quelqu'un qui a besoin d'aide parce qu'il est en danger et là il a besoin de l'aide de quelqu'un. Ok, il peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala directement. Donc, il demande à Allah l'aide dans ce moment-là parce qu'il trouve personne. Donc, il dit, oh Allah, sauve-moi. Mais Allah, il est al-Sami', al-Basir, al-Alim. Hein? Donc, il le voit, il l'entend et il sait son état et sa situation. Toutefois, si par exemple la personne elle est quelque part dehors, il sort d'ici de la mosquée, il sort de la rue, il fait noir. Et il y a un drogué là qui sort avec un couteau et qui vient pour te t'attaquer. Il dit, donne-moi ton portefeuille. Puis toi tu vois d'autres musulmans à l'autre côté qui arrivent. Tu dis, ya akhi, ya Muhammad ta'al, hein, aini, hein. Tu l'appelles, ya akhi, ya Ahmed, ya kaza, ya fulan, ta'al, aini. Ça c'est pas shirk. Parce que tu es là et lui il est là. il t'entend, il peut t'aider. Mais si tu vas appeler quelqu'un qui est dans sa tombe et qui est mort, il peut pas t'entendre et il peut pas venir t'aider. Hein? الاستغاثة بعيسى شرك الآن إذا كنت في في لا أنا أسألك الآن إذا استغثت بمحمد بعيسى عليه السلام هل هو شرك أم لا شرك وهو شرك النصارى أليس كذلك أليس كذلك أنا أسألك الآن النصارى أليسوا يستغيثون بنبيهم نعم وأليس هذا شرك نعم هو شرك بالله شرك أكبر مخرج من الملة نعم لأجل عمل الميت في حياتهم ولكن هذا لا يدخل في الاستغاثة هذا ليس له أي علاقة بالاستغاثة أو بالدعوة بدعوة غير الله ودعوة الأموات والاستغاثة بالأموات نعم يا أخي عيسى عليه السلام أليس هو نبي هل هو وثن هل عيسى عليه السلام هل هو صنم أو وثن مع أنه يعني كما نقول يعني الشهداء أحياء في قبورهم والأنبياء في قبورهم أحياء في قبورهم ولكن هم في برزخ ولهم الآن أحكام تتعلق بهم تختلف عن الأحكام أهل الدنيا والأحياء فلا يمكن أن نقيس بين ما يحصل الآن بيننا بين الأحياء وما هو يعني في البرزخ وأحكام البرزخ هذا شيء وهذا شيء آخر هل أين بارك الله فيك صلى الله عليه وسلم ابن تيمية له كتاب اسمه يعني الصارم المسلول على شاتم الرسول وأحد العلماء اسمه الشيخ محمد بن عبد الرحمن النجدي له كتاب اسمه السيف المسلول على عابد الرسول فالناس بين إفراط وتفريط بعض الناس يعبدون الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعلونه إلها فهؤلاء يعني عليهم السيف المسلول ويقتلون كذلك والذين يشتمون الرسول صلى الله عليه وسلم فعليهم كذلك السيف لأنهم شتموا الرسول فنحن بين هؤلاء وهؤلاء الذين غلوا في الدين لا نعبدهم ولا نسبهم بل نحبهم ونحترمهم ولكن لا نغلو فيهم هذا ديننا فهمت؟ لا نغلو كغلو النصارى في نبيهم on va pas devenir comme les chrétiens ont exagéré avec le prophète Isa alayhi salam et qu'ils ont fait de lui Dieu un Dieu hein? Et on va faire la même chose avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et on va en faire de lui une divinité qu'on adore ou qu'on invoque en dehors d'Allah alors qu'il est mort et qu'il est dans sa tombe alayhi salatu wassalam non donc il faut connaître la différence entre le tawhid et le shirk et la différence dans les questions qui ont rapport avec al-istighatha et al-du'a et al-isti'ana et toutes ces questions là c'est pour cette raison là que il faut toujours se concentrer sur l'explication de ces bases et de ces fondements-là, parce que parmi les musulmans, beaucoup de gens ont eu des confusions à cause de différents groupes ou différentes sectes, parmi les soufis ou bien d'autres sectes, qui ont des conceptions qu'ils ont copiées des chrétiens, copiées des juifs, et copiées de d'autres groupes également, qui mélangent les enseignements de l'islam, qui veulent faire introduire dans l'islam des aspects de shirk, au nom du respect ou de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les chrétiens, quand ils font le shirk avec les saints ou avec les prophètes, ils disent qu'ils font ça par respect et par amour. Mais il ne faut pas que cet amour ou ce respect dépasse la limite qui est permise par l'islam et par la charia pour devenir une forme de shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, donc comment tu vas dire par exemple à un chrétien, tu vas lui dire qu'est-ce que vous faites avec Isa alayhi salam, c'est du shirk. Qu'est-ce que vous faites avec Maryam, hein, c'est du shirk. Mais qu'est-ce que vous faites, mais qu'est-ce que certains musulmans aujourd'hui font avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ça c'est pas du shirk. Nous on rejette toutes les formes de shirk, que ce soit fait au nom de l'islam, que ce soit fait au nom du christianisme ou au nom du judaïsme ou autre, hein. Et donc, alhamdulillah, la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: La tatrouni kama atrat al-nasara Isa ibn Maryam fa innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit: N'exagérez pas dans ma glorification comme les chrétiens ont exagéré avec Jésus, fils de Marie. Je ne suis qu'un serviteur d'Allah. Alors dites Abdullah wa rasuluhu, dites serviteur d'Allah et son messager. Hein? La ifrat ou la tafrit. Donc, on revient à la parole du cheikh. Il explique que il n'y a pas un autre péché qui ne sera pas pardonné, excepté le shirk. Et la personne qui commet le shirk, elle n'aura pas droit à shafa'a, n'aura pas droit à l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au jour de la résurrection. Hein? Ça veut dire que souvent vous allez entendre des gens qui vont dire qu'ils veulent demander l'intercession au prophète sallallahu alayhi wa sallam directement, alors qu'il est mort dans sa tombe. Sauf que al-shafa'a, elle appartient uniquement à Allah. قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Hein? Donc si tu veux l'intercession, tu dois uniquement la demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, ceux-là, en demandant l'intercession au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est dans sa tombe, ils tombent dans le shirk. Alors ils n'auront pas droit à l'intercession au jour de la résurrection. L'intercession est uniquement pour les musulmans qui ont commis des grands péchés parmi les kaba'ir. Par exemple, quelqu'un qui est mort alors qu'il buvait de l'alcool, ou qu'il faisait le zina, ou qu'il a mangé du porc, ou bien qu'il a fait le riba, ou bien qu'il a volé, ou des choses comme ça, et qu'il est mort, il meurt sans se repentir à Allah sur ces grands péchés-là, il est sous la volonté d'Allah. Et il aura peut-être droit à l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam au jour de la résurrection, puisqu'il y aura une intercession pour les gens qui ont des kaba'ir. Hein? Tandis que ceux qui meurent sur le shirk akbar, ils n'auront pas droit à cette intercession-là ou à aucune autre intercession. Et ils seront des gens qui vont rester dans l'enfer éternel. Et la preuve de ça, c'est le verset 48 dans Sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché à qui il veut. Donc, le plus grand péché, celui que Allah ne pardonne pas, c'est le shirk. Et tout autre péché, il le pardonne à qui il veut. Hein? Et donc ça nous montre le danger du shirk. Et celui qui commet du shirk, parmi les musulmans ou parmi les non-musulmans, qu'est-ce qu'il doit faire après avoir commis le shirk? Maza alayhi, idha ashraka ma'allah, ou istagatha bilwali, yaqul ya Abdul Qadir, ya Tijani, ya Muhammad, arifna. Il appelle Muhammad, il appelle Tijani, il appelle les autres. Une fois qu'il a commis le shirk comme ça, par ignorance ou bien avec connaissance, il doit se repentir, il doit faire le tawba. Et il doit renouveler son témoignage en la ilaha illallah et renier et rejeter tout ce qu'il a adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si c'est un prophète, même si c'est un salih, ou un wali ou un sayyid, peu importe. Hein? Et le cheikh il dit ensuite un autre verset, wa anna al-masajid lillah fala tad'u ma'a Allah ahada. Les mosquées appartiennent à Allah. Alors n'invoquez personne avec Allah. Le verset 18 dans sourate Al-Jin. Ay la ta'budu ahadan ma'a Allah abadan min al-mala'ikat al-muqarrabin wa la min ar-rusul al-kiram wa la min al-anbiya al-'idham wa la min as-salihin min al-anam. C'est comme le frère tout à l'heure, il demandait, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut nous profiter après sa mort? Oui, il peut nous profiter après sa mort en croyant en lui et en obéissant à ses ordres et en suivant sa sunna. Naam, profiter de l'héritage des prophètes qui est inna al-anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman walakin warathu al-ilm. Donc la science, c'est l'héritage des prophètes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Inna l'ilm, bitta'allum, innama l'ilm bitta'allum. » Donc il faut apprendre cette science. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi dans le Coran « Qul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni, yuhbibkum Allah, wa yaghfir lakum zunubakum. » Dit « Si réellement vous aimez Allah, alors suivez-moi et Allah va vous aimer et va vous pardonner vos péchés. » Donc avec ta foi en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et en suivant son exemple et en suivant en obéissant en ses ordres, hein, et en adorant Allah que par l'exemple qu'il nous a enseigné, c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va te profiter, hein. Comme le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, quand il a donné la définition de Mohammed Rasulullah, et ça on va l'expliquer plus tard dans le livre, il a dit ta'atuhu fima amar wa ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa an la yu'bad Allah illa bima shara. Ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dis Mohammed Rasulullah, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu l'obéis dans ce qu'il t'ordonne. Tu crois en ce qu'il t'a donné comme information au sujet de la religion. Tu t'écartes de ce qu'il t'a interdit. Et tu n'adores Allah que par son exemple. Personne d'autre. Hein? Ça c'est l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, il y a des gens qui parlent de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de respect du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même il y en a qui veulent tomber dans l'extrême, dans l'extrémisme, et adorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand tu regardes leur façon de vivre, ils n'ont pas pris le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme un modèle. Et ils ne suivent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de le suivre. Et pourtant Allah subhanahu wa ta'ala il dit laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah kathira. Il y a certes pour vous en la personne du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un meilleur modèle pour celui qui espère en Allah, hein, et au jour dernier, et qui se souvient beaucoup d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas juste avec la bouche qu'on dit on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et puis qu'on fait des on dit des choses comme ça, puis après on tombe même dans l'extrémisme, mais on ne suit pas ses ordres, on ne suit pas sa sunna, on n'étudie pas sa sunna, on n'étudie pas les hadiths, on ne reste pas avec les gens qui apprennent et qui étudient la sunna et qui apprennent la aqidah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui l'enseignent. Tout ça c'est des choses importantes. Donc le cheikh il dit ensuite hey, لا تعبد احدا مع الله. Donc quand tu dis wa anna al masajid lillah fala tad'u ma Allah ahada, les mosquées appartiennent à Allah, alors n'invoquez personne avec Allah dans les mosquées. C'est-à-dire ay la ta'budu احدا مع الله ابدا من الملائكه المقربين ولا من الرسل الكرام ولا من الانبياء العظام ولا من الصالحين من ولا من الصالحين من الأنام ولا الأشجار ولا الأحجار ولا غير ذلك إذ كل عبادة لغير الله عز وجل فهي عبادة للطاغوت. Donc le cheikh il dit tu n'adores personne d'autre avec Allah, jamais, même si ce sont des anges rapprochés, même si ce sont des prophètes nobles envoyés, même si ce sont des messagers très grands, hein, messagers, même si ce sont des hommes pieux, et tu ne vas pas non plus adorer des arbres ou des pierres, hein, ou autres. Parce que toute adoration que tu fais pour autre que Allah, c'est une adoration pour le Tarout. C'est une adoration pour le Tarout. Et le Cheikh il dit, Tarout, ismun am, لكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. Et le tarot, c'est quoi? C'est un nom général qui englobe toute chose par laquelle le serviteur peut dépasser sa limite, que ce soit la chose par une chose qu'il adore, ou par une chose qu'il suit, ou par une chose qu'il obéit. Ça, c'est la définition de l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya. Et on va la revoir à la fin de ce livre aussi. Et justement, par rapport à ce qu'on mentionnait, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, je pense que c'est dans Sourate Yusuf ou dans Sourate Yunus, un des deux, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent ceux-là sont nos intermédiaires, nos intercesseurs auprès d'Allah. Dit, allez-vous informer d'Allah de ce dont il n'a aucune connaissance, ni dans les cieux et sur la terre, hein, qu'il soit purifié de ce qu'il lui associe, ou du shirk qu'ils font. Donc ça, c'est les preuves que ces gens-là, qui adorent des saints, ou des prophètes, des anges, ou d'autres, en dehors d'Allah, eh bien, ils sont en train de commettre le shirk, même s'ils pensent qu'ils ne sont pas en train de commettre le shirk. Et yani, c'est le shirk des mouchriquins de Quraysh, c'était la même chose. Yani, il disait ça aussi. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Et nous les adorons que pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah. Donc c'est la même chose. Hein? Le shaykh il dit wa la yastab'id al-muslimun khatar al-shirk, fa-shirk khatir, kabiruhu wa saghiruhu, qaliluhu wa kathiruhu. Wa min huna wajaba أن يتفقد المسلمون وبالأخص طلبة العلم أحوالهم ويتفقدوا أعمالهم وكافة تصرفاتهم وما تقوم به قلوبهم ويتفقدون ذلك في كل لحظة من لحظات العمر لئلا يشوب الأعمال شرك بالله عظيم أو بدعة مضلة ويتفقدون أحوال الناس أيضا ويبذلون لهم التعليم والتوجيه والنصيحة حتى لا يقعوا في شيء من ضروب الشرك فيهلكوا. Le cheikh il dit donc que le musulman il doit pas penser qu'il est à l'abri du danger du shirk, parce que le shirk c'est très grave, c'est très dangereux, que ce soit le petit shirk, le shirk mineur ou le shirk majeur, que ce soit peu de shirk ou beaucoup de shirk, parce que c'est grave dans tous les cas. Et quelqu'un ne doit pas dire, mais non, ça y est, on connaît le shirk, on ne va pas tomber dedans, on est préservé du shirk. Non, c'est faux. Hein? Et le shirk dit donc, le musulman, il doit vérifier tout le temps, surveiller ses actions, et en particulier les étudiants qui étudient la science de l'islam. Ils doivent vérifier dans leur situation, dans leur état, dans leurs actions, dans leur comportement, dans leur cœur, dans chaque instant de leur vie, pour voir s'il n'y a pas une forme de shirk qui n'est pas mélangée avec leurs actions qu'ils font. Ou bien s'il n'y a pas dans leurs actions une bid'a quelconque qui peut les égarer. Ils doivent vérifier également dans l'état des gens autour. Et ils doivent leur donner l'enseignement, l'orientation, le bon conseil, pour ne pas qu'ils tombent dans des catégories de shirk et qu'ils soient perdus par la suite. C'est quoi le but de ces cours et de ces rappels et de ces enseignements c'est justement pour donner le conseil et le rappel aux frères et aux sœurs et à tous les musulmans qui peut-être n'ont pas su, n'ont pas compris comme il faut les principes de la religion pour qu'ils soient rappelés, pour qu'ils soient sauvés. Et c'est ça le but. Donc les exemples comme le frère, qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure à propos de l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis est-ce qu'on a le droit de faire l'istirasa avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est des exemples, il ne faut pas être étonné, c'est rempli des gens dans les pays musulmans qui ont cette conception-là, et qui pensent de cette façon-là. Donc, si on n'enseigne pas, et si on ne donne pas aux gens le rappel, hein, et la nasiha, les gens vont continuer à faire ça, et vont penser que c'est correct. Donc il faut leur faire hein, le rappel. Et le cheikh il dit, وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يخاف على أمته من الشرك خوفا عظيما حيث قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما هو قال الرياء فإنه ضرب من ضروب الشرك فلا بد من تحقيق التوحيد ظاهرا وباطنا والبراءة من الشرك وأهله وليتفقد النفس لئلا يدخل عليها ضرب من ضروب الشرك أو صورة من صورة من صورته أو صوره الخطيرة. Le cheikh il dit, et le prophète صلى الله عليه وسلم nous a dit que la chose qu'il craignait le plus pour sa umma, c'était le shirk. Il n'y avait rien d'autre qu'il craignait plus que le shirk. Et il a dit, ce que je crains le plus pour vous, c'est le shirk mineur. Ils ont dit, qu'est-ce que c'est au messager d'Allah? Il a dit, c'est l'ostentation, ar-riya. Que tu fais des actions dans le but de te faire voir, dans le but de recevoir des éloges et de te faire glorifier de la part des gens. Et ça, c'est rapporté par Al-Imam Ahmad dans sa Musnad, et Al-Tabarani et Al-Haythami dans Al-Zawaid. Et il dit que ça c'est une des formes de shirk aussi, même si c'est pas une forme de shirk majeure, mais c'est quand même une forme de shirk qui est dangereuse, hein, et qui fait partie des plus grands, parmi les grands péchés. Donc il faut vraiment réaliser le tawhid extérieurement et intérieurement, et il faut complètement se désavouer du shirk et des gens qui le font, et il faut vérifier en soi-même et chercher en soi-même, hein, pour voir s'il y a rien qui manque parmi les préceptes du tawhid et parmi les aspects de la foi, et pour pas qu'une forme parmi les formes du shirk ou un aspect parmi les aspects du shirk rentre, hein, lorsqu'on connaît à quel point c'est dangereux. Et il dit après, وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال له يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك وهو كما ترى دليل على عظم ذنب الشرك وخطره على الناس ونقتصر على هاتين المسألتين إلى درس قادم إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. Donc le cheikh il dit, et on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, lorsqu'on lui a dit, ô messager d'Allah, quel péché est le plus grand? Il a dit, c'est que tu donnes à Allah un égal à Allah alors que c'est lui qui t'a créé, hein? Et ça c'est un hadith authentique. Et il a dit, hein, donc que tu donnes, c'est le plus grand péché, c'est que tu donnes un égal à Allah alors qu'il t'a créé. Ça c'est le shirk, c'est de faire le shirk. Et il termine le shirk en disant, donc tu vois, ça c'est la preuve de la gravité du péché qu'on appelle ash-shirk et du danger qu'il représente pour les gens. Et on s'arrête à ces deux points-là, les deux premiers points qu'on a expliqués dans cette deuxième partie dans l'introduction. Et le troisième point, on l'expliquera, c'est au sujet de al-wala wal-bara, et on va le laisser pour le prochain cours, inshallah. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم واياكم. من اين انت اخي؟ ما شاء الله.